Dialogue dans un magasin de chaussures. Écoutez. Pour le mariage de ma sœur le mois prochain, il faut que je m'achète des chaussures. Des chaussures? Mais tu en as des quantités, tu les collectionnes, ma parole. C'est vrai, j'aime les chaussures. Si je m'écoutais, j'en achèterais de toutes les couleurs. Tiens, celle-là irait bien avec ma robe. On rentre? Si ça peut te faire plaisir. Mademoiselle, je voudrais essayer des escarpins rouges. J'en ai vu en devanture qui me plaisaient. Quelle est votre pointure? 37. Comment vous sentez-vous? Pour que je sois à l'aise, il me faudrait la demi-pointure au-dessus. Mais je veux essayer l'autre modèle que vous avez apporté. Celles-ci vous vont mieux? Les deux paires sont très élégantes. Je vais prendre celle-ci. Voulez-vous le produit pour les nettoyer? Non, merci. J'ai déjà un produit pour le cuir dont je suis très contente. Alors, maintenant, je suppose qu'il va te falloir un sac de la même couleur. Tu as deviné. Il ne me manque plus qu'un sac pour que je sois tout à fait prête. Répétez. Pour le mariage de ma sœur le mois prochain, il faut que je m'achète des chaussures. Des chaussures? Mais tu en as des quantités, tu les collectionnes, ma parole. C'est vrai, j'aime les chaussures. Si je m'écoutais, j'en achèterais de toutes les couleurs. Tiens, celle-là irait bien avec ma robe. On rentre? Si ça peut te faire plaisir. Mademoiselle, je voudrais essayer des escarpins rouges. J'en ai vu en devanture qui me plaisaient. Quelle est votre pointure? 37. Comment vous sentez-vous? Pour que je sois à l'aise, il me faudrait la demi-pointure au-dessus. Mais je veux essayer l'autre modèle que vous avez apporté. Celles-ci vous vont mieux? Les deux paires sont très élégantes. Je vais prendre celle-ci. Voulez-vous le produit pour les nettoyer? Non, merci. J'ai déjà un produit pour le cuir dont je suis très contente. Alors, maintenant, je suppose qu'il va te falloir un sac de la même couleur. Tu as deviné. Il ne me manque plus qu'un sac pour que je sois tout à fait prête.